Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, à nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, faisons monter, monter, parfum de louange. Réveille-toi, mon frère, réveille-toi, ma sœur. Ces derniers temps, tu deviens très lourd, tu deviens trop lourde, tu ne te réveilles plus. Est-ce que tu sais que c'est le matin où les bontés de Dieu se renouvellent? Réveille ton voisin, réveille ton mari, réveille ta femme. Nous allons prier. OSB, opération sous la brèche. Romains, chapitre 1, versets 1 à 7. Chaque matin, je me lève. Je prie avec OSB. Chaque matin, moi, je prie. Je prie avec OSB. Lisons donc Romains 1, 1 à 7. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures, et qui concerne son fils né de la postérité de David selon la chair, et déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts. Jésus-Christ, notre Seigneur, par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens, parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ, à tous ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons partager trois grandes vérités tirées de ce texte. Voici la première vérité. Elle concerne l'identité du serviteur de Dieu. Oui, chacun de nous doit connaître son identité. Paul se présente ici sous trois éléments. D'abord, il est serviteur de Jésus-Christ. Un serviteur, c'est un esclave. Le mot grec qui est traduit par serviteur voudrait dire esclave. Pas esclave dans le mauvais sens, mais ici esclave dans le sens de celui qui dépend de quelqu'un d'autre. Quand tu t'appelles serviteur de Jésus-Christ, écoute-moi bien, tu dois comprendre qu'il y a un maître à qui tu es soumis. Et tu vis pour les servir. Tu es donc son esclave. Tu ne peux pas te détacher de lui. Ta vie dépend de lui. Est-ce que tu comprends cela? Deuxième élément de l'identité du serviteur, il dit « appelé à être apôtre ». On ne peut pas devenir pasteur, apôtre, évangéliste, pasteur sans un appel. C'est un appel. Écoute-moi bien, je vais parler à quelqu'un. Ce n'est pas parce que tu vas suivre les cours dans un institut biblique que tu es automatiquement serviteur de Dieu. C'est vrai, la formation est importante, mais il y a un élément important sans lequel tu ne peux pas porter des fruits, tu ne peux pas être qualifié. C'est l'appel, on dit appelé à être apôtre. Donc c'est un appel qu'il a reçu de la part de Dieu. L'apôtre Paul a d'abord rencontré Jésus sur les chemins de Damas. Est-ce que tu comprends? Avant de te prévaloir que tu es pasteur, apôtre, évangéliste, bishop, la première chose, tu dois d'abord rencontrer Jésus de manière personnelle comme Seigneur et Sauveur. Et puis, tu reçois un appel, c'est ça. L'apôtre Paul, Jésus lui est apparu, il a fait une rencontre personnelle et Jésus lui a mandaté, lui a donné une mission d'aller maintenant pour le servir, pour annoncer l'évangile. Donc, appelé à être apôtre. On ne s'improvise pas pasteur, on ne s'improvise pas prophète évangéliste. Il faut un appel. Troisième élément de l'identité, il est mis à part pour annoncer l'évangile, vous voyez. Mis à part, c'est-à-dire qu'il y a une certaine consécration, une sanctification. Je vais parler à un serviteur de Dieu, écoute-moi bien. Lorsque tu es appelé, Dieu te met à part. Vous voyez, C'est ce qui s'est passé lorsque, un jour dans l'église d'Antioche, il y avait des docteurs, il y avait des prophètes comme Paul, Barnabas. L'Esprit de Dieu a dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas. Quand tu es mis à part, c'est-à-dire que tu es séparé. Tu te sépares d'abord de quoi? Tu te sépares du péché. Tu te sépares de quoi? Tu te sépares ensuite du monde. Quand tu es mis à part, tu es consacré. Tu ne dois plus marcher selon le monde. Tu dois te séparer de tout ce qui est souillé, de tout ce qui est péché, parce que tu es mis à part. D'où vient qu'aujourd'hui on voit des gens qui se disent apôtres, prophètes, vautrés dans l'immoralité sexuelle, vautrés dans l'ivrognerie, vautrés dans toutes sortes de pratiques mondaines. Nous sommes mis à part. Tu es mis à part et tu dois vivre une vie de consécration, sachant ton identité. Deuxième vérité concerne l'évangile. Vous voyez, ici, l'apôtre Paul est en train de mettre en exergue la place de l'évangile. Il dit ceci, au verset 1, « Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. » Et cet évangile, il donne deux vérités essentielles. Il dit, « Cet évangile a été promis par les prophètes. » Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut dire que le prophète de l'Ancien Testament, ils ont déjà annoncé l'évangile. Ils ont promis, vous voyez, cela veut dire que les prophéties de l'Ancien Testament trouvent leur accomplissement dans le Nouveau Testament. Il dit au verset 2, « Qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures ?» Deuxième vérité toujours concernant l'évangile, c'est que le point focal, le point central de l'évangile, c'est la personne de Jésus-Christ. Il dit au verset 3, « Et qui concerne son fils, né de la postérité de David, selon la chair. » Il veut montrer que sur le plan humain, Jésus-Christ, il était né de la postérité de David. C'est-à-dire, il était le descendant de David, qui était de la tribu de Judas. C'est-à-dire, c'est pourquoi on dit selon la chair, c'est-à-dire du point de vue humain. Parce que Jésus avait la nature humaine, mais il avait aussi la nature divine. Et il dit au verset 4, « Et déclaré fils de Dieu avec puissance. » Vous savez, l'appellation fils de Dieu, c'est un titre divin. Le fils de Dieu, dans l'Orient, ça veut dire de l'ordre de Dieu, qui a la même nature que Dieu. Donc, le titre de Jésus, fils de Dieu, démontre sa divinité. Il a le même attribut que le Père, que le Saint-Esprit. On l'appelle fils de Dieu avec puissance. C'est-à-dire qu'il est tout puissant. Il a la puissance de te libérer. Il a la puissance de te guérir. Il a la puissance de changer ta situation, ma sœur. Toi qui vis la stérilité. Parce qu'il est le fils de Dieu avec puissance, il est capable de changer ta stérilité en fécondité. Il n'y a pas de problème qu'il soit impossible. Est-ce que tu comprends? Parce qu'il est fils de Dieu avec puissance. Les démons tremblent devant lui. Parce qu'il est tout puissant. Il est déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts. C'est-à-dire, ce qui démontre sa spécialité ou sa divinité, c'est le fait que Jésus soit sorti du tombeau. Vous voyez, il y a beaucoup de leaders. On parle de beaucoup de gens qui sont comme leaders religieux, des rois, des empereurs. Mais ils sont restés dans le tombeau. La différence avec Jésus, c'est que Jésus n'est pas resté dans le tombeau. Le troisième jour, la Bible déclare que la pierre a été roulée. Il était impossible que les liens de la mort le retiennent la tombe. Les chaînes ont été brisées. Oh, il est sorti du tombeau. Il est ressuscité. Et si Jésus est ressuscité, il est capable de ressusciter ta vie. Il est capable de ressusciter tes affaires. Il est capable de ressusciter ton foyer qui est brisé. Il est capable de ressusciter ton commerce. Il est capable de ressusciter même ton corps. Toi qui souffres, depuis un moment donné, on t'a fait des perfusions et des perfusions. Tu es désespéré. Jésus-Christ, le ressuscité, est capable de te communiquer encore la vie. Et tu pourras encore chanter des louanges. Est-ce que tu comprends? Jésus-Christ, notre Seigneur, il est Seigneur. Cela veut dire, tout lui appartient. La Bible déclare que tout genou fléchit devant lui et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Troisième grande vérité concerne la mission du serviteur de Dieu. Quelle est la mission? Quand Dieu t'appelle, te met à part,

de tout mon cœur pour l'éternité. Tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la joie. Tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la joie. Je veux te louer, je veux te célébrer de tout mon cœur pour l'éternité. Gloire au Seigneur. Élevons ensemble nos voix. Bénissons celui qui est le Fils de Dieu, le Tout-Puissant, celui qui est ressuscité. Élevons nos voix. Nous te bénissons, éternel notre Dieu, toi le Dieu capable de sauver et de transformer. Nous t'élevons, ô notre Seigneur, toi le Dieu de qui nous dépendons. Oui, ta grâce nous suffit. Sois béni notre Seigneur, notre Dieu, toi qui nous as appelés dans ta moisson par pure grâce. Nous glorifions ton nom, ô notre Seigneur, toi qui nous as mis à part. Pour manifester ta gloire, nous t'élevons au notre Père, notre Seigneur, toi qui nous accompagnes dans la mission que tu nous as accordée. Merci Seigneur, toi le Dieu qui veut que nous puissions annoncer l'évangile jour après jour et pour ta seule gloire. Merci ô Seigneur, toi le Dieu qui transforme et qui sauve, le Dieu tout-puissant, le Dieu capable de sauver et de bénir. Nous bénissons ton nom en ce moment, notre Seigneur, notre Dieu, toi qui veux que les méchants parviennent à la connaissance de la vérité. Béni sois-tu, ô notre Seigneur, toi le Dieu plein d'amour, le Dieu compatissant, lent à la colère et riche en bonté, que l'honneur te revienne au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous sommes à l'émission de prière que nous appelons OSB, Opération sous la brèche. Vous pouvez réécouter cette émission sur notre site web www.radiofréquentevie.com. Le texte du jour, c'est Romains 1, 1 à 7. Ce texte nous montre l'identité du serviteur. Lorsque j'ai dit que je suis serviteur de Dieu, je suis appelé apôtre, prophète, je ne sais pas quel autre ministère. Je dois être conscient que c'est Dieu qui m'a appelé. Je dois avoir cette certitude, mais je dois être conscient que je suis mis à part pour annoncer l'évangile. Mis à part, c'est-à-dire que je dois mener une vie de sanctification, de séparation avec le monde. Chacun de nous va prier pour dire, Seigneur, je voudrais réellement réaliser que je suis mis à part. Je vais me séparer du monde. Je vais me séparer du péché. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Père éternel, nous te bénissons et nous te glorifions. Toi qui disposes de toutes choses et qui nous les donnes chaque jour. Ce matin, nous t'espérons. exprimons notre prière de reconnaissance et d'action de grâce. Nous disons merci au Père éternel pour tous tes bienfaits. Et nous savons également, au Père éternel, que c'est toi qui nous as appelés, c'est toi qui nous as équipés, c'est toi qui nous as mis à part et c'est toi qui nous as envoyés pour proclamer ton évangile, pour contribuer à l'avancement de ton œuvre. C'est pourquoi, ô Père éternel, nous prions pour la sanctification. Nous prenons autorité sur toute manipulation satanique, sur tout plan satanique, tendant à nous dévier de tes voies, toute forme de harcèlement, toute forme de ruse du diable, toute forme de trait enflammé de l'ennemi est assujettie par la puissance du nom de Jésus-Christ. Nous demandons, Père éternel, que ta grâce exceptionnelle demeure sur nous, que nous soyons exemplaires dans tout ce que nous entreprenons, ô Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Renouvelle nos forces, ô Père éternel, afin que nous puissions être à l'abri de toute forme de chute. Renouvelle ta grâce et ta force dans nos vies, ô Père éternel, afin que nous soyons des témoignages, nous soyons des exemples dans tout ce que nous entreprenons. Que ton nom soit béni, ô Père éternel, que ton nom soit glorifié. Merci Père pour cette grâce que tu nous donnes, pour cette grâce d'exemplarité, pour cette grâce et cette force que tu nous donnes pour surmonter les attaques de l'ennemi, les traits enflammés de l'ennemi, afin de toujours être une référence dans ton royaume. Que ton nom soit béni à tous égards, ô Père éternel, que ton nom soit glorifié. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Nous venons de voir ici que l'objet de l'évangile, c'est la personne de Jésus-Christ. Jésus-Christ, il est ressuscité, déclaré fils de Dieu avec puissance. C'est-à-dire qu'il a la capacité de résoudre n'importe quel problème. Tu vas prier maintenant. Je ne sais pas quel est ton problème. Est-ce que c'est la maladie? Est-ce que c'est un problème d'argent qui te fatigue? Est-ce que ce sont des puissances sataniques qui t'oppriment? Mais tu vas invoquer le nom de Jésus. Tu vas dire: Jésus, tu es le fils de Dieu avec puissance. Je vais expérimenter ta puissance dans ma vie. Je voudrais que tu ressuscites tout ce qui est mort dans ma vie, dans ma maison, dans ma famille, au nom de Jésus. Prie le Seigneur. Te dis merci ce matin. Merci parce que tu es le seul qui comprend nos difficultés, qui comprend les réalités que nous vivons, parce que nous marchons par la foi et non par la vue. Et nous constatons, nous expérimentons qu'il y a la mort, qu'il y a un esprit de non-accomplissement, que nous tournons en rond, que nous sommes enchaînés comme en prison. Nous voulons t'invoquer ce matin. Nous voulons crier vers toi ce matin, afin que tout ce qui est mort dans nos vies, concernant nos foyers, concernant nos affaires, concernant tout ce que nous entreprenons, tous on sème, mais on ne récolte pas, et rien ne bouge. Nous voyons notre Dieu, un esprit qui ne bouge pas. Nous t'invoquons que ta main, que ta voix, que ton esprit, que tes anges viennent, notre Dieu, notre Père, briser ce qui doit être brisé, déterrer ce qui doit être déterré, au nom de Jésus-Christ. Qu'un vent, le vent de ton esprit vienne pour balayer tout esprit de mort, tout esprit de non-accomplissement, tout esprit de prison, au nom de Jésus-Christ. Oh, que les études de nos enfants aillent bien, Nous voulons récolter ce que nous sèmons. Sois béni, parce que nous avons foi en toi. Au nom de Jésus, amen. Amen. Nous venons de voir la mission du serviteur. Annoncer l'évangile. Amener à l'obéissance de la foi tous ceux qui ne connaissent pas Jésus. Prie le Seigneur pour qu'il puisse t'utiliser cette année afin d'annoncer l'évangile. Peut-être que tu te sens tiède. Ce n'est pas l'esprit de timidité. Prie pour que la puissance du Saint-Esprit te donne ses ailes d'aller encore annoncer l'évangile au nom de Jésus. Dieu, et mon âme t'exalte, te loue, te magnifie, t'honore, t'adore parce que tu es Dieu. Sois glorifié ce matin parce que tu nous as donné, oui, ta parole. Paul pouvait dire, malheur à moi si je n'annonce point l'évangile. Que l'évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit. Ce matin, cher Saint-Esprit, merci de nous motiver. Cher Saint-Esprit, merci de mettre l'esprit encore en nous, d'activer le feu de l'évangélisation en nous, afin que nous annoncions l'évangile, afin que nous n'ayons point honte, afin que nous n'ayons point l'esprit de timidité en nous, et que nous parlions de toi, et que nous organisions en tant qu'église, en tant que ministère, des programmes d'évangélisation, des programmes de sortie dans les maisons, dans les foyers, dans les villages, dans les villes, pour que une multitude d'âmes puisse être convertie. Merci, Père, pour cette grâce que tu donnes, oui, aux leaders, à tous ceux, Seigneur, qui sont appelés de toi, à tous les chrétiens, à quelque niveau que ce soit. Cher Saint-Esprit, motive-les, fortifie-les, donne-les de s'engager encore une fois pour l'œuvre de l'évangélisation. Tous ceux qui n'ont pas, oh Dieu, le temps, Père, et qui ont les moyens, donne-les de disposer de leur argent pour que ton nom puisse être proclamé dans les coins les plus reculés de nos villages, dans les campements et même dans les villes. Béni sois-tu pour cette grâce. Merci, merci et merci. Parce que tous ceux qui s'engagent sont réellement bénis, visités, sont gardés, ajoutés. Nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'était OSB. Nous rappelons que les dimanches prochains, nous aurons notre rencontre Bonheur Conjugal pour les célibataires au CPE. Au revoir. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant.